De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 9. 3 et 4. De la raison. La raison qui nous fait connaître Dieu, nous fait connaître aussi le beau, le bien et le vrai, elle nous découvre, en même temps que les fondements de la religion, ceux de l'art, de la morale, de la science et, en particulier, des sciences mathématiques. Quel rapport y a-t-il entre la divinité et la quantité, pour que les idées relatives à l'une et les idées relatives à l'autre soient rapportées à une seule et même faculté? Il m'est assez indifférent de connaître tout ce qui concerne les diverses grandeurs, tandis que la connaissance de Dieu me remplirait de joie. Saint Augustin, qui se pose cette question, y répond lui-même. La ligne, dit-il, et la sphère ne se ressemblent pas, et cependant les notions que l'on s'en fait se ressemblent, au moins quant à leur certitude, le ciel et la terre nous causent, quand nous les regardons, des émotions différentes, et ce sont néanmoins les sens qui nous donnent également connaissance de l'un et de l'autre. Il n'est donc pas extraordinaire que la notion de Dieu et les notions mathématiques, malgré la différence de leurs objets et des sentiments qu'elles éveillent au-dedans de nous, dérivent de la même source. Les notions mathématiques ne peuvent provenir que de la raison, car elles sont claires, éternelles, immuables, et les sens et l'imagination sont dans une égale impuissance de les expliquer. Quand j'affirme qu'une ligne ne saurait être partagée en deux dans le sens de sa largeur, mais que dans le sens de sa longueur elle est susceptible d'être divisée à l'infini, j'énonce des vérités évidentes, inébranlables, et qui n'ont rien à démêler avec les sens, car je prononce sur des lignes idéales et non sur des lignes réelles. Soliloque livre 1er chapitre 4 et 5. J'ai vu des lignes d'une ténuité et d'une délicatesse extrême, tracées par les mains les plus habiles et aussi déliées que les fils de l'araignée peuvent l'être. Malgré cela, mes affirmations n'auraient aucune valeur, si elles portaient sur ces lignes qui ont frappé mes yeux et non sur celles qui sont présentes à ma raison. Confession livre 10 chapitre 12. Tout nombre est un assemblage d'unités. Qui dit 1, 2, 3, 4, dit l'unité prise 2, 3, 4 fois. Or d'où me vient l'idée de l'unité? Ce n'est pas des sens corporels, car tout objet sensible est, non pas un, mais multiple et composé d'un nombre infini de parties. Prenez un corps aussi petit qu'il vous plaira, vous y distinguerez un côté droit et un côté gauche, un dessus et un dessous, c'est-à-dire une multiplicité véritable. Les corps ne peuvent donc pas vous donner l'idée de l'unité, et pour chercher si les corps la réalisent, il faut que vous l'ayez déjà. Où l'avez-vous prise, si ce n'est dans votre raison? Mais l'idée de l'unité ne venant pas des sens, l'idée du nombre ne saurait en venir, puisque le nombre n'est autre chose que l'unité prise plusieurs fois. Du libre arbitre livre 2 chapitre 8. Cette même raison qui nous fait connaître les nombres en eux-mêmes, nous les fait connaître encore dans les sons qu'ils mesurent, dans les mouvements qu'ils règlent, dans les figures qu'ils déterminent et auxquelles ils impriment le caractère de la beauté, car le beau consiste essentiellement dans l'ordre, et il n'y a d'ordre que dans ce qui est fait avec nombre, poids et mesure. De la vraie religion chapitre 41. Saint Augustin s'était posé de bonheur, et du sein même des plaisirs où il consuma sa jeunesse, la question de la nature du beau. Confession livre 4 chapitre 13-15. C'était chose singulière. Les objets de ses plus profanes attachements, qui avait donné lieu à son esprit investigateur de se demander en quoi consiste le beau, et comment il se fait qu'il maîtrise les âmes avec tant d'empire. On comprend, en effet, que le beau agissant avec une force souveraine sur les cœurs encore jeunes, les hommes en qui la curiosité philosophique s'allie à une vive sensibilité, soient tout d'abord attirés par cette question qui plaît à leur cœur par les brillantes images qu'elle éveille, en même temps qu'elle captive leur esprit par sa complexité et sa profondeur. Le premier ouvrage de Platon fut, dit-on, le Phèdre, où il traite de la beauté. Le premier écrit d'Augustin fut un livre, aujourd'hui perdu, sur le beau et le convenable, et ce fut aussi par un travail sur le beau que s'ouvrit naguère la carrière philosophique, trop tôt déterminée, d'un illustre penseur contemporain. L'essence du beau, suivant saint Augustin, réside dans l'unité. Lettre 18. Qu'est-ce qui fait la beauté du corps humain? Ce n'est pas seulement la perfection de chacune des parties qui le composent, mais encore et surtout l'ordre qui préside à leur arrangement et à leur distribution. Les parties doubles étant conformées et disposées exactement de la même manière et se répondant entre elles, tandis que celles qui sont uniques dans leur genre sont placées à égale distance des autres, et satisfont aux exigences de la symétrie la plus sévère. Un pied considéré seul peut être beau, une main considérée seule peut être belle. Cependant, combien ces membres ne perdent-ils pas de leur beauté à être séparés du tronc, et combien leur convenance avec le tout dont ils font partie n'ajoute-t-elle pas à leur grâce? De la jeunesse contre les manichéens, livre 1er chapitre 21. D'où vient la beauté qui éclate dans la plupart des êtres vivants? Ceux-ci sont remarquables par les proportions exactes et les contours harmonieux de leur forme, ceux-là, par les teintes habilement nuancées et artistement fondues de leur plumage, les uns se distinguent par les mouvements aisés et rythmiques de leurs membres, les autres, par les notes cadencées et pénétrantes de leur voix. Qu'est-ce que tout cela, sinon l'unité, l'harmonie, la convenance? Qu'est-ce que la vie réalise dans ces êtres sans raison, sinon une idée qu'elle ignore, un type qui la surpasse, un exemplaire qui réside dans la raison de Dieu, et que nous trouvons aussi dans la nôtre? De la vraie religion, chapitre 31-42. Si nous considérons ces mêmes êtres, non plus en eux-mêmes, mais dans leur rapport les uns avec les autres, et dans les actions diverses auxquelles ils se livrent, nous verrons que là encore toute beauté a pour conditions essentielles la convenance et l'unité. Pour expliquer sa pensée, saint Augustin a recours, comme le fait souvent Platon, son maître, à un exemple familier, mais caractéristique. Il décrit un combat de coq, dont il a été témoin. Les deux champions sont en présence, les voilà, la tête en avant, la chevelure hérissée autour du cou, quel vigoureux coup de bec, mais aussi quelle prestesse pour les éviter. Comme tout se fait avec convenance dans ces êtres dépourvus de raison, grâce à la direction d'une raison plus haute. Et, à la fin, quel chant de triomphe entonne le vainqueur, comme il fait la roue, et comme tout son extérieur respire l'enivrement de la victoire. Son adversaire, de son côté, le cou déplumé, la voix timide et comme honteuse, la contenance embarrassée, a aussi de la beauté à sa manière, la beauté qui résulte de la convenance entre l'expression et les sentiments exprimés. Tant il est vrai qu'il n'est pas de fait si vulgaire qui n'est sa loi, pas de désordre où l'ordre n'ait laissé sa trace, pas de laideur qui n'offre un reflet de la beauté. De l'ordre livre premier chapitre 4. Ces considérations suffisent pour montrer que le beau, et particulièrement le beau sensible, comme on dirait aujourd'hui, consiste, suivant saint Augustin, dans l'unité. Il s'agit maintenant de faire voir que le beau sensible n'est pas saisi et apprécié par les sens, comme on serait tenté de le croire au premier abord, mais que la seule raison le connaît et en juge. Cicéron avait bien compris cette vérité, car il dit en parlant de l'homme que c'est le seul animal qui connaisse l'ordre et la beauté, parce que c'est avec sa raison qu'il saisit la beauté, et que la raison est l'attribut distinctif de l'homme. Mais ce n'est ni Cicéron ni Bossuet, c'est saint Augustin qu'il faut lire, si l'on veut voir cette pensée développée avec ampleur et mise dans tout son jour. Il y a dans le traité de la vraie religion un morceau remarquable et souvent cité, qui montre clairement, d'une part, quelle est la nature du beau, de l'autre, quel est le rôle de la raison dans nos jugements esthétiques. Si je demande, dit Augustin, à un architecte d'un esprit ordinaire, qui vient de construire une arcade d'un côté d'un édifice, pourquoi il en construit une autre du côté opposé, il me répondra que cela plaît, il ne pourra m'en dire davantage. Mais si je m'adresse à un homme qui soit doué de la vue intérieure, du sens de l'invisible, dit ingénieusement saint Augustin, il remontera plus haut dans la série des explications, et s'instituera juste du plaisir que le beau lui procure, au lieu de se borner à prendre ce plaisir pour règle de ses jugements. Il ne se contentera pas de dire, « Je fais ainsi parce que cela plaît », ce serait s'en tenir au fait, ce serait ne consulter que les sens et l'expérience. Il ajoutera, cela plaît parce que cela est beau, et cela est beau à cause de la similitude des parties et de la symétrie qui résulte de leur arrangement, en d'autres termes, il consultera la raison, car cette vue de la raison des choses ne peut être attribuée qu'à la raison seule. Il ira plus loin. Que je lui demande si un corps peut réaliser complètement l'unité qu'il imite, il me répondra que cela est impossible. Un corps n'offre jamais qu'une image trompeuse de l'unité, parce que toutes ses parties sont séparables. Cependant nous avons dans l'esprit l'idée de l'unité parfaite, sans quoi nous ne pourrions pas juger si les corps possèdent ou ne possèdent pas l'unité. Où l'avons-nous prise cette idée de l'unité, sinon dans la raison à laquelle elle est partout et toujours présente, car en même temps que je juge que tel objet est un autre homme porte le même jugement, au fond de l'Orient, sur un objet semblable. Saint Augustin place donc le beau, comme Platon, comme Plotin et plusieurs autres philosophes, dans l'unité, et pour lui, comme pour eux, l'unité typique et primordiale est en Dieu, et Dieu lui-même. De la vraie religion chapitre 32, 36. C'est donc parce que nous sommes raisonnables que nous connaissons ce qu'il y a de rationnel dans les corps, et que nous dégageons le beau du milieu des éléments avec lesquels il était confondu. Mais de tous les sens, l'ouïe et la vue sont ceux qui nous fournissent le plus souvent l'occasion de saisir le caractère rationnel des choses. Quand je vois un objet dont la figure offre de la proportion et de la symétrie, je dis qu'il y a de la raison, et, par conséquent, de la beauté dans sa composition. Quand j'entends un concert où toutes les voix s'accordent à ravir, ce concert me paraît avoué de la raison, et je le trouve délicieux, l'usage réserve le nom de beau aux seuls objets sensibles qui frappent la vue. Quant à l'odeur, à la saveur, à la dureté, à la mollesse, au chaud, au froid, qui n'ont absolument rien de rationnel, il est clair que nulle qualification esthétique ne saurait leur convenir. Jusqu'ici tout est pour le mieux. Mais comment se fait-il que saint Augustin, qui a si bien montré que la seule raison connaît le beau sensible, et qui a si nettement distingué le beau de l'agréable, se contredise un peu plus loin? Qu'un danseur, dit-il, joue devant moi le rôle de Vénus, avec des ailes au dos, ou celui de Cupidon, avec un manteau sur les épaules, et qu'il déploie dans son rôle une grâce parfaite et une souplesse merveilleuse, ma raison sera choquée, mais mes sens seront ravis. Pourquoi? Parce qu'il y a là, d'une part, une disconvenance et une laideur qu'il appartient à la raison d'apprécier, et, de l'autre, une convenance et une beauté dont les sens sont les véritables juges. N'est-ce pas là, je le demande, admettre que le beau sensible n'est pas tout entier du ressort de la raison, et que les sens peuvent en juger comme elle? De l'ordre, livre 2 chapitre 11. Ailleurs il étend de telle sorte l'idée de la convenance, qui est, suivant lui, l'essence de la beauté, qu'il n'est pas de chose agréable auxquelles cette idée ne s'applique, depuis celle qui flatte la vue et le toucher, jusqu'à celle qui chatouille le goût et l'odorat. De la musique livre 6 chapitre 13. Que recherchons-nous, dit-il, dans la lumière et les couleurs, sinon leur convenance avec nos yeux? Que recherchons-nous dans les odeurs et les saveurs, sinon leur convenance avec les organes de l'odorat et du goût? C'est bien là, si je ne me trompe, confondre l'accord de l'objet et de l'organe avec l'accord des parties constitutives de l'objet, et identifier l'agréable avec le beau. Pouvons-nous, ajoute-t-il, aimer autre chose que le beau? Oui, pourrait-on lui répondre, on peut aimer une foule d'objets fort agréables au goût et à l'odorat, mais où il n'y a pas trace de beauté. Il en est, suivant saint Augustin, de la beauté morale comme de la beauté physique, elle réside également dans l'unité, et c'est également la raison qui nous en procure la connaissance. Qu'est-ce, en effet, que la beauté de l'homme intérieur, sinon la justice, et en quoi consiste la justice, sinon dans une vie bien ordonnée, c'est-à-dire conforme à la raison? Or qui juge de cet ordre de la vie et de sa conformité avec la raison, si ce n'est la raison elle-même? Les stoïciens tombent dans une contradiction manifeste quand ils prétendent, d'une part, que le sage seul est beau, de l'autre, qu'il n'y a de réel que ce qui est perçu par les sens. Car cette beauté du sage qui leur paraît non seulement une beauté réelle, mais la seule beauté réelle, échappe à tous nos organes, et la raison est seule capable de la saisir. Cité de Dieu livre 8 chapitre 7. C'est aussi la raison qui nous fait connaître la beauté divine, cette unité première et ineffable que les corps imitent sans pouvoir l'égaler, et que nos esprits prennent pour règle de leur jugement quand ils prononcent sur la beauté et sur la laideur des choses corporelles. Mais cette même raison nous révèle un principe si semblable à cette suprême unité, qu'il la réalise de tout point, tandis que les créatures ne la réalisent qu'imparfaitement, et qu'il en est la véritable image, tandis que celles-ci n'en sont que des images mensongères, c'est la vérité immuable, c'est le Verbe éternel qui réside dans l'être premier, qui est en Dieu, qui est Dieu lui-même. Le Dieu de saint Augustin est, en effet, une unité parfaite, toujours et partout semblable à elle-même, et cependant il n'est pas une unité vide et morte comme celui de Plotin. crainte de rabaisser l'être divin en lui laissant quelque chose de commun avec les créatures, Plotin le dépouille successivement des plus beaux attributs de notre humanité. Il lui dénie non seulement la bonté et l'intelligence, mais encore la vie et l'être, et en fait une unité inconcevable, inaimable, véritable néant d'où l'être ne peut sortir, et qui ne possède pas plus la beauté qu'aucune autre perfection. Le Dieu d'Augustin, au contraire, renfermant lui-même, dans l'ineffable simplicité de son essence pure, les éternelles raisons des choses passagères, et toute la création est contenue éminemment dans son ample sein. Les choses sensibles et périssables ne peuvent avoir la perfection qui convient à leur nature qu'à la condition d'être informées par cette forme intelligible et immuable qui façonne les créatures intérieurement et suivant des lois éternelles. C'est en elle que subsiste cet ordre vivant qui ne s'étend point dans l'espace, qui ne se développe point dans la durée, et qui domine, du sein de son immutabilité et de son immensité, tous les temps et de tous les lieux. C'est elle qui est l'artiste par excellence et le principe de toute beauté, car il n'est pas d'artiste qui soit égal à Dieu, pas d'art qui approche de son Verbe. De la vraie religion chapitre 36 et 55, Cité de Dieu, Livre 11 chapitre 21, et Livre 12 chapitre 2. Loin de posséder seulement les attributs qu'on a appelés métaphysiques, il possède encore la bonté, l'intelligence, la justice et les autres attributs moraux. Sa beauté n'est incomparablement supérieure à celle des hommes que parce que sa justice est incomparablement supérieure à la leur. Lettre 120. Le Dieu de Saint Augustin est le même dont Leibniz dira un jour, « Les perfections de Dieu sont celles de nos âmes, mais il les possède sans bornes, il est un océan dont nous n'avons reçu que des gouttes, il y a en nous quelque puissance, quelque connaissance, quelque bonté, mais elles sont toutes entières en Dieu. L'ordre, les proportions, l'harmonie nous enchante, la peinture et la musique en sont des échantillons. Dieu est tout ordre, il garde toujours la justesse des proportions, il fait l'harmonie universelle, toute la beauté est un épanchement de ses rayons. Leibniz, Théodicée, Préface. Nous ferons quelques remarques sur cette théorie de la connaissance esthétique telle que Saint Augustin l'a exposée. Avouons d'abord que notre auteur y montre à un rare degré le caractère qui distingue l'esthéticien éminent du critique vulgaire. Tandis que la critique se borne à noter, dans leur mobilité infinie et leur capricieuse variété, les émotions que produisent en nous les merveilles de la nature et les chefs-d'œuvre de l'art, l'esthétique recherche les raisons dernières de ces émotions délicieuses et leurs lois les plus générales. Elle répond à un des besoins les plus élevés de notre esprit, que la connaissance des phénomènes ne satisfait qu'à moitié, et qui ne s'arrête que quand il en a saisi les causes. Trouver une formule qui explique les beautés gracieuses et terribles de la mer, celle de la terre avec ses forêts et ses montagnes, celle du ciel parsemé d'étoiles ou étincelante des feux du jour, celle de l'âme humaine, soit qu'elle déchaîne ses passions, soit qu'elle les soumette au frein du devoir, celle qui brille également dans les pages inspirées d'Homère ou de Bossuet et dans les grandes œuvres de Raphaël ou de Michel-Ange, tel est le but suprême que poursuit la science du beau. Saint Augustin a eu le mérite, après Platon, il est vrai, après Aristote, après Plotin, d'entrevoir ce but et d'essayer de l'atteindre. Reconnaissons, en second lieu, que la conception générale à laquelle il cherche à ramener toutes les beautés particulières, était une des plus fécondes et des plus compréhensives qu'il put choisir. Platon et Aristote, parmi les philosophes, Cicéron et Horace, Fénelon et Buffon, parmi les littérateurs, ont attaché avec raison une importance capitale à la coordination et à l'agencement des parties, à ce qu'on appelle d'un seul mot, la composition. Fénelon veut que les différentes parties d'un discours aient entre elles une telle adhérence et concourent si nécessairement au même but, qu'on ne puisse rien retrancher sans couper dans le vif. Aristote s'exprime d'une manière encore plus précise et plus heureuse, « Un ouvrage, dit-il, doit être un, comme un animal est un. » À qui n'est-il pas arrivé d'entendre un discours animé des mouvements les plus aisés et les plus naturels, relevé par les pensées les plus fines et les plus ingénieuses, paré des couleurs les plus fraîches et les plus brillantes, et de n'être cependant qu'à demi satisfait? Pourquoi? Parce que toutes ces parties ne tendaient pas vers une même fin, qu'elles ne formaient pas un véritable ensemble et en quelque sorte un tout organique. Saint Augustin est donc dans le vrai en faisant de l'unité une condition essentielle de la beauté. Il est dans le vrai en expliquant par l'unité, non seulement les beautés de la nature et de l'art, mais encore celles de la vie morale, et j'ai vraiment de la peine à comprendre qu'on ait si souvent rejeté sa définition de la beauté par l'unité, en se fondant sur ce que l'unité ne saurait rendre raison de la beauté qui brille dans les actions humaines. Qu'est-ce donc qu'une belle vie, sinon une vie bien ordonnée? Qu'est-ce qu'une action laide et honteuse, sinon une action contraire à l'ordre et qui nous choque, suivant la remarque de Platon, comme une note fausse dans un concert harmonieux? L'erreur de saint Augustin n'est pas là, elle consiste, suivant moi, en ce qu'il a fait de l'unité non seulement une condition, mais la seule condition de la beauté. N'est-il pas vrai que la figure la plus régulière n'est point belle, si elle est froide? N'est-il pas vrai que le poème le mieux ordonné ne produit aucune émotion esthétique, si le cœur du poète ne palpite point sous le tissu uniforme de sa composition? N'est-il pas vrai qu'une vie qui nous offre le tableau d'une suite de devoirs exactement, mais sèchement accomplis, ne nous touche pas comme une vie moins régulière, mais où éclatent de loin en loin les saillies d'une grande âme? Qu'est-ce à dire, sinon que le beau n'est pas seulement l'unité, mais l'unité vivante, la force disciplinée, l'union harmonieuse de la vie et de l'ordre? C'est parce que la force est, comme l'ordre, un élément de la beauté, que la force, même quand elle est séparée de l'ordre, n'est pas d'une entière laideur et conserve un certain prestige. Cléopâtre, dans Corneille, Lady Macbeth, dans Shakespeare, ne sont-elles pas de magnifiques créations toutes resplendissantes d'une beauté sinistre? Pourquoi quelques types du dérèglement et du libertinage exercent-ils une telle fascination sur la jeunesse de notre temps, sinon parce qu'ils semblent avoir un certain caractère de grandeur et d'indépendance, qui tranche avec ce qu'on nomme dédaigneusement la vulgarité des vertus bourgeoises? D'une part, c'est la force ou son apparence, sans l'ordre, de l'autre. C'est l'ordre sans la force, et c'est à la force qu'on donne la préférence. Prenons des exemples plus élevés et plus nobles. Le héros d'Utique et le fondateur de l'Union américaine étaient sans doute des âmes mieux ordonnées que le vainqueur de Pharsale et que le capitaine qui a rempli notre siècle de sa gloire. D'où vient donc que ces derniers balancent les premiers, si même il ne les surpasse, dans l'admiration des hommes, qu'on y réfléchisse, et on verra que cela doit venir de ce qu'ils ont eu une vie plus riche et plus puissante. Du reste, il ne faudrait pas croire que saint Augustin méconnaisse entièrement la vie comme principe de perfection et de beauté. Il déclare positivement, nous l'avons vu plus haut, qu'un cheval qui s'égare est au-dessus de la pierre qui ne peut pas s'égarer, qu'un homme dont l'ivresse reste supérieure, malgré son état de dégradation, à un corps sans âme. Pourquoi cela ? Évidemment parce que l'homme est le cheval, lors même qu'il transgresse les lois de l'ordre, conserve une vie plus élevée que celle des corps bruts. Ailleurs, il met la lumière, le plus brillant de tous les corps, au-dessous du dernier des insectes, parce que celui-ci est mu par une force vivante. Ailleurs enfin, il s'élève énergiquement contre les âmes tièdes que rien ne saurait émouvoir, et réserve toute son admiration pour les âmes ardentes que l'amour, c'est-à-dire la volonté enflammée par la passion, anime et vivifie. Que conclure de tout cela, sinon que saint Augustin a bien compris la nature du beau, et qu'il ne lui a manqué que de se rendre compte un peu plus nettement de ce qu'il pensait lui-même pour en donner la véritable définition. L'idée du bien se résout, suivant lui, comme celle du beau, dans l'idée de l'ordre, du nombre, de l'unité et finalement de l'unité suprême, dont toutes les autres unités ne sont que d'imparfaites imitations. Suivant lui, le bien, comme le beau, dépend de la raison et quant à son existence et quant à la connaissance que nous en avons, de sorte que cette faculté ne domine pas moins souverainement dans la sphère des notions morales que dans celle des notions esthétiques et mathématiques. Qu'est-ce que la vertu ? Sinon le cours harmonieux d'une vie qui est en plein accord avec la raison, de la grandeur de l'âme chapitre 16. Si la vie d'un homme offre la dissonance la plus légère, je n'en suis pas moins choqué que de voir une circonférence dont tous les points ne sont pas également éloignés du centre. Il importe donc que les principes inférieurs de notre nature, ceux qui nous sont communs avec les végétaux et les animaux, tels que le besoin de se nourrir et celui de se reproduire, et ceux qui paraissent particuliers à l'homme, tels que l'amour du pouvoir et l'amour de la gloire, soient assujettis à un principe supérieur de coordination et d'harmonie. Les éléments les meilleurs doivent prévaloir sur les moins bons, la raison, l'entendement, l'esprit, comme on voudra l'appeler, doit gouverner les penchants irrationnels et aveugles de l'âme. À cette condition seulement, l'homme sera un être convenablement ordonné et méritera le nom de sage. La raison ne règle pas seulement par ses décisions la vie des individus, mais encore celle des sociétés, et la morale publique, comme la morale privée, rentre dans son domaine. Si un peuple est plein de sagesse et si chacun des membres qui le composent est disposé à sacrifier son intérêt propre à l'intérêt général, ce sera une bonne loi que celle qui permettra aux citoyens de nommer les chefs qui doivent gérer les affaires de l'État. Mais si ce même peuple se déprave, si, peu soucieux de l'utilité publique, il vend ses suffrages aux plus offrants et livre le gouvernement de la société aux plus vils et aux plus scélérats des hommes, ne sera-ce pas une loi équitable que celle qui lui enlèvera le droit d'élire ses magistrats et qui fera plier toutes ses volontés perverses sous la volonté d'un ou de plusieurs hommes sages? Quelle est la loi immuable et toujours identique à elle? Même où ces deux lois essentiellement passagères et en apparence contradictoires ont leurs principes et leur unité, sinon la raison souveraine, C'est elle qui proclame invariablement la justice de ses variations mêmes, et toutes les lois particulières ne sont que des applications à des circonstances transitoires de cette loi générale et éternelle. C'est elle qui déclare qu'il est juste qu'un peuple s'appartienne, quand il sait se régler, mais qu'il doit être réglé par d'autres, quand il ne sait pas se régler lui-même, car il faut, avant tout, que la raison règne et que l'ordre se réalise. Du libre arbitre au livre 1er chapitre 6 à 9. N'est-il pas curieux de voir Saint Augustin, à une époque où la philosophie politique était tombée dans le plus complet discrédit, reprendre les grandes thèses que Platon et Cicéron avaient soutenues, et incorporer aux doctrines chrétiennes les idées de ses illustres maîtres, pendant que la littérature profane épuisée ne s'inquiète plus que de philologie et d'érudition, et que ses derniers représentants ne cherchent plus dans le De Republica que des exemples à l'appui de leurs considérations grammaticales, n'est-il pas intéressant, comme l'a remarqué un écrivain célèbre, Monsieur Villemain, de voir la littérature sacrée, plus soucieuse des pensées que des mots, essayer de faire revivre, au milieu d'un siècle abâtardi et impuissant, les hautes théories de l'ancien monde. Non seulement la loi morale est immuable et universelle, mais encore elle est connue de tous les hommes, et il n'y a pas de peuple qui puisse arguer de son ignorance pour se dispenser d'en suivre les prescriptions. Qui ne sait, par exemple, qu'il faut pratiquer la justice, que le plus parfait doit être préféré au moins parfait, que le crime doit être puni et la vertu récompensée, qu'une âme que les plus grands malheurs ne peuvent faire dévier de la ligne du devoir, vaut mieux que celle que les accidents les plus légers découragent et jettent dans l'abattement? Ce sont là des vérités évidentes pour tous les hommes sans exception, parce que la raison les révèle à tous indistinctement. Les impies même jugent, et souvent jugent bien, des actions humaines. Du libre arbitre au livre 2 chapitre 10. Par quelles règles en jugent-ils, sinon par celles dans lesquelles ils voient comment chacun doit vivre, quoiqu'eux-mêmes vivent mal? Où les voient-ils? Ce n'est pas dans leurs esprits, car ces règles sont justes et immuables, et leurs esprits sont injustes et changeants. Où sont-elles donc écrites ces règles, pour que l'injuste même puisse connaître ce qui est juste, pour qu'il puisse voir quelles qualités il devrait avoir, lors même qu'il ne les possède point? Où donc sont-elles écrites, sinon dans le livre de cette lumière qu'on nomme vérité, d'où toute loi juste est tirée et passe dans le cœur de l'homme qui accomplit la justice, non par voie de migration, mais par voie d'impression, comme la forme passe de l'anneau à la cire sans quitter l'anneau? Mais celui qui ne la pratique point et qui voit cependant qu'il faudrait la pratiquer, celui-là se détourne de la lumière, et néanmoins elle le frappe. De la Trinité livre 14 chapitre 15. La raison est donc la véritable maîtresse de la vie humaine, et il s'agit ici de cette droite et parfaite raison qui atteint son objet comme l'œil atteint le sien, quand aucune maladie, aucune lésion ne l'altère. Or cet objet que la raison nous découvre et qu'elle nous montre comme la fin naturelle de notre existence, c'est le souverain bien. Mais ce souverain bien ne peut être ni en nous, comme le veulent les stoïciens, ni au-dessous de nous, comme les épicuriens le prétendent, il ne peut être qu'au-dessus de nous, comme l'ont compris les disciples de Platon. Aspirer à ce bien supérieur, c'est s'élever, tendre vers les biens inférieurs, c'est se rabaisser soi-même. Quel peut être ce bien souverain qui est si fort au-dessus de tous les autres et qui doit être la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps, sinon ce Dieu qui n'est pas seulement le principe de l'être, mais encore celui du connaître et du vouloir, et dont toute existence, toute lumière, toute félicité découle. Lettre 118 chapitre 3. Ainsi, de quelque manière qu'Augustin considère l'objet de la raison, comme vérité, comme beauté, comme bien absolu, il voit toujours dans cet objet une face de Dieu ou plutôt Dieu lui-même. La logique, l'esthétique, la morale, toutes les sciences particulières aboutissent dans ses écrits, comme dans ceux de Platon, à la théologie, elles forment comme une pyramide immense dont les diverses parties, fort éloignées les unes des autres à la base, se rejoignent au sommet et ont l'idée de Dieu pour centre et pour couronnement. Voilà certes une des plus belles théories de la raison que la philosophie spiritualiste, si riche en travaux de ce genre, ait jamais conçue. Sans doute Platon avait fourni à Augustin la plupart des matériaux de son œuvre, et il n'entre pas dans ma pensée de comparer à celui qui créa de toutes pièces, avec une force et une puissance qu'on n'a point égalées, la grande doctrine de l'idéal, l'esprit heureux et brillant qui essaya, souvent avec succès, de la concilier avec la doctrine chrétienne. Cependant on peut dire, sans chercher à diminuer le philosophe athénien, que s'il est resté incontestablement supérieur à l'évêque d'Hippone pour la fécondité et le génie, celui-ci l'a quelquefois surpassé pour la justesse et l'exactitude, et qu'en purifiant sa théorie de la raison des hypothèses qu'il altérait, il lui a rendu une autorité qu'elle avait perdue, et lui a donné, dans le monde chrétien, une influence à laquelle elle ne pouvait prétendre. Parmi les modernes, Malebranche, qui s'appuie du reste si volontiers sur saint Augustin, a montré peut-être plus d'originalité que lui en traitant le même sujet, mais on sait à quel prix. Soutenir, ainsi qu'il le fait, que nous ne connaissons pas les corps directement, mais dans les idées, qu'il appelle de petits êtres nullement méprisables, ou dans l'étendue intelligible, qui le paraissait si peu au grand Arnaud, s'est professé sur la raison une doctrine fort peu raisonnable. Quant à Bossuet et à Fénelon, ils se sont contentés de reproduire, presque dans les mêmes termes, les idées d'Augustin, et d'en condenser la substance dans leurs ouvrages, en hommes qui s'en étaient nourris et pénétrés. Citer, comme on le fait souvent, les belles pages que ces deux écrivains illustres nous ont laissées sur la raison, sans rien dire des pages éclatantes d'Augustin dont ils se sont inspirés, c'est commettre envers ce dernier une véritable injustice. Ajoutez, comme on le fait quelquefois, que dans les œuvres d'Augustin la philosophie chrétienne nous apparaît encore débile et pour ainsi dire dans les langes, tandis que les écrits de Bossuet et de Fénelon nous la montrent dans toute la vigueur de sa maturité, c'est être plus injuste encore et donner à ces grands hommes un éloge dont ils n'auraient pas voulu. En s'appropriant la théorie de Platon et des Alexandrins, Augustin la modifie, sinon dans son ensemble, du moins dans quelques détails. En s'appropriant celle d'Augustin, Bossuet et Fénelon ne lui font subir aucun changement, aucune amélioration, bien plus, il leur arrive parfois de l'affaiblir ou de la mutiler, c'est ainsi que Bossuet se borne à effleurer la question du beau, et que Fénelon la supprime. Je ne crains donc pas de le dire, la théorie de la raison est à la fois plus originale, plus complète et plus richement développée dans saint Augustin que dans ses deux éminents disciples. Il est une autre théorie de laquelle on pourrait rapprocher celle de l'évêque d'Hippone, C'est celle qui a été exposée parmi nous, avec un éclat incomparable, par le plus glorieux représentant de la philosophie contemporaine, et qui, pendant 40 ans, a entretenu dans les âmes, en morale, en politique, en littérature, à travers des vicissitudes de toutes sortes, le culte de l'idéal. Ces deux théories offrent des ressemblances nombreuses et ont entre elles comme un air de famille qui trahit une origine commune. Dans l'une et l'autre, le vrai, le beau, le bien sont identifiés avec Dieu et considérés comme la fin suprême de l'âme. Dans l'une et l'autre, le sens est regardé comme l'occasion et non comme la cause de la connaissance intellectuelle. Dans l'une et l'autre, le logos est représenté comme le précepteur et le maître de chacun de nous. Seulement il existe entre elles quelques dissemblances déterminées par les circonstances sociales au milieu desquelles elles se sont produites, et par les besoins intellectuels qui ont provoqué leur apparition. En face des hérésies qui confondaient la nature divine et la nature humaine, saint Augustin dut s'attacher à distinguer soigneusement la raison de l'homme et la raison de Dieu, tout en maintenant le rapport qui les unit et en affirmant que l'une est censée s'éclairer par l'autre. En présence du scepticisme de Kant, qui se fondait sur la personnalité et la subjectivité de la raison, pour lui refuser toute autorité en dehors du sujet pensant, Monsieur Cousin a dû s'efforcer, avant tout, de faire ressortir son caractère absolu, impersonnel, et quelques-uns de ses disciples sont allés encore plus loin que lui dans cette voie. C'est ainsi que je m'explique ce phénomène étrange, au premier abord, d'un prêtre du 5e siècle, d'un père de l'Église, d'un saint, naturellement enclin à tout rapporter à Dieu, lui donnant peut-être moins de part dans la connaissance que nous avons des premiers principes, que les héritiers immédiats du XVIIIe siècle, que des raisonneurs nourris au milieu des préoccupations toutes profanes de notre société positive. Si j'avais à considérer la théorie de saint Augustin au point de vue ontologique, et non au point de vue psychologique, j'adresserai à cet illustre père un reproche qui a dû se présenter à l'esprit de plus d'un lecteur en parcourant ce travail, c'est d'affirmer, sans l'établir par des preuves assez concluantes, que l'objet de la raison est Dieu, c'est-à-dire un être réel, aperçu sous plusieurs faces différentes, et non pas simplement telle ou telle conception générale. Avancer que l'unité est un être, que le beau est un être, que le bien est un être, ce sont là des assertions assez extraordinaires pour qu'on tâche de les démontrer, et de les démontrer deux fois plutôt qu'une. C'est la question de la portée objective des notions rationnelles qui devait plus tard tant préoccuper Kant et s'emparer si puissamment de ce vigoureux esprit. Je m'étonne qu'Augustin n'ait pas vu les difficultés auxquelles elle pouvait donner lieu, et n'ait institué à ce sujet aucune discussion sérieuse. Quant à la distinction qu'il établit, avec la plupart des philosophes anciens, entre l'essence et la raison, elle me paraît aussi remarquable par son exactitude que par sa profondeur. Loin d'avoir quelque chose d'arbitraire et d'artificiel, elle est indiquée par la nature même, qui nous montre l'essence fonctionnant sans la raison dans l'animal, et concurremment avec elle dans l'homme. Or si, pour distinguer deux facultés l'une de l'autre, il suffit de s'assurer qu'elles sont séparables entre elles, comment trouver des facultés plus évidemment distinctes que celles qui non seulement sont séparables, mais qui sont, dans certains sujets, réellement séparées? C'est là une distinction qui repose sur la nature des choses et que l'on peut, point capital, constater expérimentalement. La raison est donc une faculté originale, sui generis, qui s'ajoute au sens, qui est en quelque sorte greffée sur eux, mais qui n'en vient pas. Comprendrait-on sans cela que l'animal, ayant des sens comme nous, percevant comme nous les objets, ne put s'élever comme nous à des connaissances véritables et transformer en idées ces diverses perceptions? C'est ce qu'Augustin exprime, à sa manière, en disant que notre âme est à la fois sensitive et raisonnable, tandis que celle de l'animal est purement sensitive. La raison de l'homme est pour notre auteur la faculté de connaître la raison des choses. Elle se meut sans cesse des principes aux conséquences et des conséquences aux principes, allant toujours de raison en raison dans le domaine du connaître et dans celui de l'être, jusqu'à ce qu'elle arrive à une raison inconditionnelle qui explique tout et n'ait besoin de rien pour l'expliquer. Voir de l'ordre, livre 2 chapitre 11. Mais cette opération, par laquelle la raison saisit l'absolu, se rattache, comme les autres opérations rationnelles, à notre substance propre et non à la substance divine. Elle diffère des autres par la dignité de son objet et non par celle de son sujet. Augustin ne fait pas plus de l'homme un dieu qu'une bête, il le prend pour ce qu'il est et le laisse à sa véritable place. Parmi nos diverses conceptions, il a principalement approfondi celle du vrai, celle du beau et celle du bien. Il a parfaitement vu qu'elle ne dérive point des sens, mais de la raison, et que l'animal, qui est purement sensitif, reste étranger à des conceptions si hautes. Il a compris qu'elles interviennent dans tous les jugements que nous portons sur les pensées, les paroles, les actions de nos semblables, qu'elles embrassent la science, l'art, la vie humaine tout entière, et que, quand elles changent dans les esprits, tout change, car chacune d'elles est comme le centre où une foule de questions de détails viennent aboutir. On dit tous les jours que l'homme est un animal et qu'il faut uniquement le considérer comme tel. Il est un animal sans doute, mais il est autre chose encore, il est un être doué de raison. Voilà pourquoi il a, de plus que l'animal, des sciences, des arts, des devoirs, des droits, voilà pourquoi il combat et se fait tuer pour des principes. Ce sont là des faits de l'ordre purement humain, des faits aussi certains, aussi positifs qu'on puisse les désirer, qu'il est permis d'opposer à ceux de l'ordre purement animal, pour mettre notre espèce hors de pair. Or c'est précisément tout ce monde supérieur que saint Augustin et les anciens philosophes ont admis implicitement, en distinguant l'homme intérieur de l'homme extérieur, et en ajoutant à la vie sensitive la vie rationnelle. Il faut donc laisser la raison au sommet de la psychologie, comme elle est au sommet de la vie humaine, et l'étudier non seulement comme une partie réelle, mais comme la partie la plus haute de notre nature, comme le principe de tout progrès et de toute civilisation. Supprimez-la, et notre activité s'agite impuissante et stérile dans le cercle où se meut sans avancer l'instinct des animaux. Supprimez-la, et le penseur, l'artiste, le citoyen, l'homme moral s'évanouissant chacun de nous, il n'y reste plus que le mammifère. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.